Classic Kovac. L'Algerino, exclusivité internationale. Nouvel album dans les bacs le 14 novembre. 14 novembre, c'est correct la famille. Aïe, Aigle-Bas. GP en GT, Audi, TT, Fretch, j'ai prêt en hiver comme en été. Je te fais danser jusqu'à Beyrouth, ma voix résonne de Marseille à Paris. Envoie la chicha, ta chair et ta chair, ma bien sûr qu'on aime ça. Tu connais la gimmick, Marseille pas de clinique, dans tous les cortèges t'as crié. À Mokta, Costa, Rabat, sorti du placard, prépare l'enveloppe, billet de 500 dans la piste de l'épine, l'opé des Kardashians. Algérie, Maroc, Tunisie, l'Algérie, hop hop hop, tu bled avec des marques Jacob. On a préparé l'enveloppe, t'inquiète.